une brune dans un paquet de blondes, comme un bonhomme de neige en plein été. Je me promène dans l'existence en toute incommunicabilité. Y'a du blues dans le rock, j'ai les boots qui font flac à côté de la vie. Une table de nuit, même avec toi, je compte les heures qui passent. Mais chaque fois que tu t'en vas, je suis comme un coquillage à marée basse. Y a du blues. Prendre ou à laisser pour la vie, à laisser au détail où on stocke. Y'a du blues dans le rock. Apprendre.